sont comme une groupie, te font bouger la tête. T'as envie de gonfler des mecs, le rap, ta vie. Mais comment je m'en bats les couilles, frère, faut faire parler les douilles. Tout ça me laisse aucun doute, ils paniqueront tous. Un peu de maille contre un douche, derrière le mic contre cartouche. Les jaloux nous écoutent tous dans leur go ou sous la douche. On est heureux, ça ne leur plaît pas. Si tout va mal, ils ne s'en mêlent pas. S'ils me piquent, ça je ne s'en mêle pas. Un coup de baffe dans leur gueule, ça se finira comme ça. 6-5 ans de featuring, je sens que ça va se finir sur un ring. Pour une tasse, pour un string, des fondations du parking. La neige fond sur mon corps, je suis trop chaud. Essaye de m'atteindre, tu ne peux pas, je suis trop. Aussi t'as la gerbe frollo, prends un saut d'eau. Elles sont vierges, mais en vérité, on les a toutes sauts. Ego trip jusqu'à en perdre nos tripes. Je raconte de la merde, je suis sous Skyboat et on string. La concurrence est louche, comme la pire clear stream qui veut prendre ma place. Vas-y, appelle Nagui. Tu n'as aucun swag, t'es encore en bas. Guy, frère, je m'arrache en quad. 6.3 Buggy, t'es max casque et Uzi. Pas de tasse ici, pas de masque et je suis busy. La rue m'a signé, je suis en CDI. Ils n'achètent pas mes CD, ils sont en phase terminale ou près de décéder. Ils n'ont plus le moral, ne savent plus comment procéder. Là, c'est juste un ego trip, payer les tripes bien attachés. Si tu nous croyais en train de dormir, c'était qu'un sommeil léger. Les jaloux, on va soulager. Il y aura sûrement des meurtres, on va pas s'en cacher. Type Google CC, on va finir par se tâcher. Là, c'est juste un ego trip, juste un ego trip. Là, c'est juste un ego trip, trip, juste un ego trip. Là c'est juste un ego trip, juste un ego trip. On finit toujours par définir qui fait partie de l'équipe. J'balance mes conneries, appelle-moi Tibouk Sarkozy. J'vous fatigue façon à vous retirer chaque réflexion. C'est facile pour que tu frissonnes, j'fais souvent sans cesse le son. J'ai vacillé, fasciné sur tes brotes à perdre la raison. Ok, imagine Sly débarquer pour des cours particuliers. Rendez-vous jeudi soir devant le Queen aux Champs-Élysées. Des phrases aiguisées, j'tiens à préciser que j'viens pour cisailler. Mais tout le monde dosaille, tout le monde fait des sacrifices. Je te le certifie, demande à Zoxy. Si sa carrière apprécie, certains des MC ont des punchlines imprécises. J'suis plus explicite que la saisie à Coxy. Là c'est juste un ego trip, baby, oh j'ai bras les gros titres. Pas la peine d'abuser, fais pas le grossiste. Si t'as pas l'équipe qui suit crétine, t'es aussi inutile que la vache d'Interville. La seule chose qui déclare les guerres civiles sont les interdits. Oui, j'interviens comme le milieu terrain des Parisiens. N'ai-je pas raison d'aimer les cons comme le one man show brésilien? Cousin, j'suis pas une pince, mais sache-le bien que si t'as voulu me la mettre belle, tu verras sûrement la bête, ok. Là c'est juste un ego trip, payer les tripes bien attachés. Si tu nous croyais en train de dormir, c'était qu'un sommeil léger. Les jaloux, on va soulager, il y aura sûrement des meurtres, on va pas s'en cacher. Type Google CC, on va finir par se tâcher. Là c'est juste un ego trip, juste un ego trip. Là c'est juste un ego trip, trip, juste un ego trip. Là c'est juste un ego trip, juste un ego trip. On finit toujours par définir qui fait partie de l'équipe.